dire aussi que je n'ai fait que rêver, et ta mort est qu'une utopie, et que demain tu vas encore chanter. Wembadio est le Molière de la chanson. À la différence de Molière, le Tirossi n'était pas malade imaginaire. La femme dont il était si amoureux a refusé de le rendre à son public et à ses amis. Bravo l'artiste. Catastrophe, la vie c'est rien, la vie c'est zéro. Thank you.